Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Kenza Farah. Et c'est parti pour la dernière avec Kenza, comment ça va? Au top. Tout va bien, quelques jours de la sortie, allez, 3 jours maintenant de la sortie. Ouais, 3 jours. Lundi. Lundi, nouvel album. On se sent comment? Je suis super bien, super contente, bonne vibe, j'ai hâte que le public le découvre, l'ait en main, découvre les photos, les titres et voilà, super contente, positif, on fait ce qu'on aime et ça dure donc. Et par rapport au précédent ou même par rapport au premier que t'avais sorti Authentique, c'est la même pression, c'est la même chose que tu ressens ou c'est un peu différent? Non, c'est un peu différent, c'est vrai que le premier j'étais toute jeune, j'avais pas trop à quoi m'attendre. Je me disais, si je vends 3 CD, je serais déjà trop contente. À ma mère. Au final, on a fait plus de 20 000 CD la première semaine, disque d'or en quelques jours. Franchement, c'était une histoire de fou. Et puis voilà, l'histoire continue. Après, je travaille toujours avec autant d'amour, autant de passion. Et là, voilà, j'ai hâte que ça sorte. Et nouveau bébé, nouvelle histoire, nouvelle tournée, nouveau titre à chanter. C'est le top, quoi. Eh ben, c'est le top. Et on va continuer à découvrir cet album. Ce soir, que se passe-t-il, Kenza, dans l'émission? Ce soir, ben, écoute, on va écouter des titres comme d'hab, on va être là en mode familial, on va vous faire découvrir aussi d'autres artistes du label qui vont arriver, voilà, là c'est open bar quoi. Vous avez les bracelets bar, monsieur. Open mic. Vous avez les bracelets, c'est parti. Ouais, ils ont tous les bracelets là. Ils sont tous en retard. Abdel qui est là aussi, qu'on salue évidemment. Ouais, Abdel, qui fait partie de cette aventure, ouais, depuis le début. Ouais, c'est lui qui est venu me chercher à Marseille à l'époque. J'avais 19 ans, il m'a dit on va faire de la musique et c'est parti. Ben voilà, c'est le 5e album aujourd'hui. Je suis trop fière. L'aventure continue. Ouais, d'ailleurs je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi durant toutes ces années et voilà, merci à toute l'équipe charismatique. Calme. On va écouter un morceau aussi, il est dans quelques minutes, mais juste avant, on va quand même se rappeler tout ce qui s'est passé cette semaine, on l'a concentré en quelques minutes. Ok. Voici le grand zapping de la semaine avec Kenza. Planète Rap avec Kenza Farah, bienvenue, comment ça va Kenza? Au top. C'est un album qui est important pour toi, celui charismatique, celui-ci? Exactement. C'est vrai? Très important, comme tous les albums, mais celui-là bien sûr encore plus parce que voilà, il est nouveau, c'est le dernier bébé, il porte le nom de mon label. Mais oui. Il est tombé sur ma route, il a chamboulé ma vie, il m'a dit comment tu t'appelles, je n'ai pas su lui dire, il m'a fait bégayer, il est. Yes. Et on a celui qui a bossé avec toi sur ce morceau. Exactement, sur ce morceau et qui a fait la colonne vertébrale de l'album. Mmh. Pratiquement une dizaine de titres sur les 13. Qui est donc monsieur Canardo. Toi, tu faisais quoi? T'avais déjà des sons? T'avais déjà pas mal de sons de côté? Non, on tu a fait écouter ou c'est sur place? Sur mesure. Ouais. J'ai une invitée. Mm-hmm. Une invitée surprise. Bonjour. Ça va, Kayline? Ça va. C'est vrai que tu avais disparu, même je pensais que tu avais arrêté le rap. Je suis arrivée à un stade de ma vie où il fallait continuer les études pour pouvoir après. Études de droit. On a une avocate, un charismatique, c'est frais. Hein, c'est pas mal, mais c'est bien aussi, il en faut d'ailleurs. Faites du bruit là! Planète Rap. 5e album sur mesure, 24 carats, c'est pas fini. Rayon perle et Pink Star dans les bacs de chez Swarovski. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Non, je veux pas tout dire. Déjà, ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. Mais malgré tout ça, je regrette pas. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. Je viens, ça ne m'aide pas. On va aller faire un tour dans la rue maintenant, si tu veux bien, okay. Kenza. Nous, on est descendu avec un micro au cœur de la rue. Vous connaissez Kenza Farah ou pas? Qui la connaît pas? J'aime bien ses chansons. C'est toi qui parles à la télé sur Skyrock. J'adore ses musiques, je l'écoute depuis longtemps. Je l'adore, Kenza Farah. Bah, faut qu'elle continue comme ça, parce que je pense qu'elle pourra arriver loin. Kenza Farah, bien. Ouais, elle a une belle voix, elle est plutôt mignonne. Alors Kenza, franchement, continue ta musique. Je suis super contente et je les remercie, je leur fais des gros bisous. C'est dans la descente, tu te poseras des questions. C'est dans la descente, tu te poseras des questions. question est la musique m'envole. Je me donne des ailes. Et si je m'envole, je garde l'essentiel. L'essentiel. Skyrock. Ok, charismatique. Kenza Farah, Kailin, hey. Skyrock. T'es guidé par Kailin, full tel port. Sortez les quads, la compile et le raptor. T'es le tube de l'été, pote qui dorme. Tac par rapport à l'ancienne, à la Jackson. Put your hands up, what's up du décor. Charismatique, je remets tout le monde d'accord. Ouais, je rappe fort, c'est mon point fort. Tout le monde bouge, tech tech, mon son résonne. On y va? Yes. Prêt pour le défrisage? Nabila, charismatique, grande voix. Ouvrez pour vos bourguignons. Voilà ce résumé pour la semaine avec Kenza. Court résumé, il s'est passé plein de choses. Les vidéos sont toutes dispo aussi sur skyrock.fm. Allez, Mathé. Très belle semaine, je suis très très contente. J'ai invité toutes les personnes que je voulais. J'avais à mes côtés voilà, que la famille, les proches, les personnes qui me soutiennent depuis le début. Il y a des personnes qui sont venues de Lyon, de Lille. Franchement, ça me fait trop trop plaisir. C'est vraiment le bilan de la semaine. Et puis dès lundi, une nouvelle semaine qui débute avec la sortie de cet album charismatique dans les bacs. Toujours en précommande évidemment. Toujours en précommande sur iTunes. C'est première date aussi qu'il y a déjà. Déjà ouvert, billetterie ouverte, le Zénith de Paris le 25 janvier. Donc tous au Zénith le 25 janvier 2015 pour aller voir Kenza en live. Yes. Et on débute avec Ilay. Ouais. Allez, les 20h pile, il est grand temps de mettre ce morceau. Ilay, c'est extrait de l'album. Nouveau single, le clip arrive dans les jours à venir. Ilay, extrait de Charismatique. Yo. Laisse parler ton cœur, laisse parler tes pulsions. Vu comment tu le décris, je crois qu'il a tout pour plaire. Il a le regard qui tue, le regard revolver. Il te fait rire et attise ta flamme. Le dédicace à ma petite nièce que j'aime, Diana. Je vois que tu n'en Kaina, Swan, ils aiment. Ton petit cœur s'emballe quand tu nous parles de lui. Envie de lui plaire, tu fais des efforts. Aux limites pour l'avouer, tu diras qu'on a tort. Je crois que t'es tombée dans son filet. Tu sais, t'es plus la même depuis qu'il est. Sur ta route, il t'a chamboulé la vie. Il t'a dit comment tu l'as fait, tu n'as pas su lui dire. Il t'a fait bégayer. Il est. Sur ta route, il t'a chamboulé la vie. Il t'a dit comment tu l'as fait, tu n'as pas su lui dire. Il t'a fait bégayer. Il est. Tu te souviens quand tu nous disais, moi je resterai célibataire car l'amour m'effraie. Maintenant regarde-toi pour un rien tu ris. Tombé dans tes textos dans une autre galaxie. T'en deviens fou quand t'as plus de batterie. Tu te sens plus quand elle t'envoie des petits comme. Des petits comme. Et quand elle t'appelle baby love. Envie de lui plaire tu fais des efforts. Aux limites pour la voix tu diras qu'on a tort. Je crois que t'es tombé dans son filet. Tu sais t'es plus le même depuis qu'elle est. Elle est. Charismatique nouvel album, yo Kenza. Dam da da dam dam. Dam da da dam dam. Il est à l'instant, c'est extrait de l'album qui sort lundi dans les bacs et toujours en précommande avec Kenza Farah, ce morceau qu'on retrouve sur l'album Charismatique. Exact. Bon, petite question habituelle en fin de semaine, qu'est-ce qu'on a pu oublier de dire sur cet album que t'aurais aimé préciser ou ajouter sur la semaine? Que ce soit autour des gens qui ont bossé avec toi, que ce soit autour de cet album, comment on doit le prendre, comment. Écoute, c'est le cinquième, c'est un mix, c'est un cocktail de toutes les influences que j'ai, de plein de choses que j'ai apprises en. Durant toutes ces années, c'est hip-hop, c'est R&B, il y a des touches pop, il y a des touches hispaniques, reggae. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai pris des risques, j'ai essayé d'innover, d'aller là où on m'attend pas forcément. Un titre comme Yatayo, par exemple, coup de folie. Voilà, je me suis pas mise de barrière. C'est vraiment, j'ai fait ça avec le cœur. Et voilà, comme je le dis depuis le début, j'ai la chance de faire des albums, de partager ma musique. Et c'est mon plus beau cadeau, quoi, partager ma musique et qu'elle vous accompagne à des périodes de vos vies tristes ou joyeuses. Voilà, moi, c'est mon plus beau cadeau. Et voilà, cet album, il est éclectique, il est beau, quoi, on va dire. Tu l'écoutes, quoi, tu l'aimes bien. Voilà. Toi aussi, tu l'écoutes. En permanence? Non, pas en permanence. Non? Non. Tu te replonges d'ailleurs sur les précédents ou pas? J'aime bien écouter. Puis c'est marrant parce qu'on se trouve chaque fois plein de petits défauts. On dit ouais, j'aurais dû faire ça comme ça. Pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? Mais au final, voilà, ils sont tous comme ils devaient être. Il y a un morceau d'ailleurs en particulier sur l'ensemble des titres que t'as sortis où tu dis ah, là j'ai loupé, j'aurais dû faire ça. Non, c'est vrai qu'il y a des très très beaux titres dans mes albums que je regrette de pas avoir exploité, on va dire, en single parfois. Mais ça, voilà, après c'est pas grave. C'est le public qui se les approprie et qui décide. Leur morceau préféré. Après voilà, moi je fais mon album. Artistiquement, je donne tout ce que j'ai à donner. Je passe du temps, j'écris, etc. Après l'album, je le donne. Et voilà, il y a des albums où il y a... C'est pas contrôlable en fait. On l'offre, on le donne et ça se partage. Et puis voilà, après, tiens, dites-nous c'est vous aussi, au public tiens, de faire la suite. Sur l'ensemble des morceaux de Kenza, avec par exemple le hashtag Kenza Farah sur Skyrock ou via les SMS 41759, vos morceaux préférés. Ouais, j'aimerais bien, comme ça on va vous faire plaisir. Alors, peut-être pas forcément sur le dernier ou sur le dernier, hein, si vous aimez bien par exemple Il est qu'on vient de passer. Ouais. Mais sur l'ensemble de ta carrière, vos morceaux préférés, dites-nous quels sont vos morceaux vous écoutez régulièrement, qui vous rappellent des souvenirs. Parce que à chaque fois, je suppose que t'as ça aussi quand on voit des messages en disant ah, ça m'a accompagné durant une période. Exactement, tout le temps, mais même. Moi-même déjà, il y a des titres qui m'ont accompagné. Et puis je rencontre plein de personnes qui me disent ça m'a, voilà, qui mes titres les ont accompagnés aussi. Ça fait trop plaisir. C'est le plus beau cadeau pour, tu veux qu'on, pour tu un fasses, artiste. Tu connais mes petits jeux. Tu veux qu'on fasse un petit jeu? Par exemple, je vais te citer les noms des précédents albums. Hormis celui-ci, Charismatique, tu vas me dire en un mot ou en une phrase. Tu me développes un petit peu dans quel état d'esprit t'étais, ce que ça te rappelle, quelle période ça te rappelle de ta vie. Pas donc par soucis. Exemple 2007, Authentique. Authentique, Marseille, le départ, quartier nord, garçon manqué, je savais pas où j'allais, je voulais juste croquer la vie, être en studio, faire des titres, le début de l'aventure, mes profs qui m'écoutaient en cours, mes copines, tout le monde affolé pour acheter mon album, trop bon souvenir. Donc l'euphorie du premier album. L'euphorie, voilà, c'est ça. 2008 avec le cœur. Avec le cœur, j'avais envie de prouver sur Avec le cœur. Après Authentique, j'avais envie de prouver, de montrer mes compétences, montrer que je pouvais faire, pouvais continuer dans ce milieu, dans le R&B. C'est vrai qu'on nous donne, on donne pas cher de notre peau, c'est un album et basta. Et c'est vrai que là, j'avais envie de montrer que je pouvais continuer, je pouvais durer, etc. Donc voilà, c'était l'envie de continuer, quoi, prouver. 2010, Trésor. Trésor, c'est Ah. C'était une période pas... complexe. Ouais, un petit peu compliquée, ouais. Un petit peu compliquée. J'étais entre deux feux. C'était pas facile, mais pareil, c'était envie de chanter les origines, revendiquer des choses. J'ai commencé un petit peu à me détacher, à partir beaucoup sur Paris, etc. J'étais loin de ma famille, c'était une période un petit peu difficile. Un peu plus dur celui-ci. Mais Trésor aussi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Et puis enfin le précédent, donc celui qui était sorti en 2012, le For Love. For Love, c'est... comment dire, c'est état d'esprit ensoleillé. C'est le quatrième album, on kiffe. Peux rien à prouver. Si j'ai envie de mettre un short, je le mets. C'est je commence à être plus féminine, à assumer ma féminité. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Ouais, on le voit même d'ailleurs sur les photos, sur celui-ci aussi. Oui, je suis très féminine. Où t'es super féminine, où il y a des robes de partout. Il y a un festival de robes. Ouais. J'ai grandi, évolué aux yeux et au regard du public. Du coup, c'était un peu difficile. Si je fais ça, ils vont penser ça. Et puis non, si je fais ça, ils vont penser ça. Et à un moment donné, je me suis dit, je fais ce que j'aime. Je sais ce que je suis. Je connais mes valeurs. Et puis voilà, j'évolue avec mon temps et mon époque. Et voilà, tu deviens femme. Donc il y a un moment, t'es pas tout le temps en baguette. J'assumais ma féminité. était assumée sur cet album. Et puis là, tu reviendras. Donc pour le sixième, je te poserai la question sur Charismatique. On en reparlera dans un ou deux ans quand tu reviendras avec un nouvel album. On met un hier, on n'a pas mis le Marseille Je T'aime. Ouais, on va mettre Marseille Je T'aime, vu qu'on parlait de Marseille, mes débuts, les quartiers nord. Marseille Je T'aime, c'est un titre, une sonorité aussi un petit peu différente sur cet album. C'est un peu électro, un truc un peu dansant. Et c'est une prod de The Magics, qui sont des compositeurs de Belgique. Donc voilà, Marseille Je T'aime. En route pour la Belgique et en passant par Marseille, c'est parti. C'est ça. Gitane ou pied noir, elle est française, provençale, pluriethnique, son héritage. Elle est bercée par le mistral et balayée par les rafales. Elle est grecque, ville ancestrale. Il y a des gens qui disent qu'elle est sale. Moi, mon cœur y a fait escale en traversant dans des cales. J'appelle au calme, posez vos armes, donnez de calme, chant rafale. Au soleil, des étoiles, le climat, c'est je t'aime. La canne, guerre, aux yeux portes, je chante, moi, c'est je t'aime. Car t'es sûr. Ceux qui disent qu'elle est sale. Marseille, je t'aime, Marseille, je t'aime, Marseille, je t'aime. Marseille, je t'aime à l'instant sur Skyrock. Yeah. À l'hymne. Marseille, je t'aime. Marseille. Ouais. Tu aimes toujours ta ville? Ah oui, c'est ma ville. C'est là où je puise mon inspiration, ma force. Et c'est, voilà. Par exemple, quel quartier? C'est quoi les quartiers en particulier pour toi, Kenza, où il faut aller? Moi, ceux qui nous écoutent, qui vont peut-être partir, là, il fait beau ce week-end. Non, mais où je vais te dire, c'est pas touristique. Moi, à la base, je suis des quartiers nord, ouais. Donc, du 15e, à Marseille. Et après, Marseille, c'est trop beau, quoi. Il y a trop des beaux endroits. Mais après, moi, j'échange pas mes quartiers nord contre rien au monde. Rien au monde. Rien. Rien, rien, rien. Mais bon, en longeant la corniche, tout. Ouais, c'est très, très beau, bien sûr. Magnifique. Ouais. Magnifique. Ça te manque? Oui. Quand t'es loin de Marseille pendant un petit moment? Ouais, mais bon, je prends le temps pour redescendre dès que c'est j'ai quand le prochain retour là? Fin de semaine, j'espère. Fin de semaine prochaine? Ouais. Ok, après la sortie de l'album. Exactement. Lundi dans les bacs, c'est charismatique, on va continuer à te découvrir. Ouais. Il y aura du live aussi avec toi tout à l'heure. Ouais, on va présenter déjà mon invité. Mmh. Sarah Noro qui est là, qui représente. Il représente charismatique ce soir, KMKJ. KMKJ? Ouais. Exactement, ouais. KMKJ. Ça va? Ça va, ça va. En forme? En forme. Bien. Il y a les retardataires, là. Ils sont ouais, qu'est-ce arrivés. Qu'ils sont, les mecs, voilà, c'est le premier arrivé, c'est tout. Toi, tu es sérieux, c'est bien. Ponctuel, et puis, on va passer aussi des titres de KMKJ durant l'émission. Et voilà, ils vont se présenter, tout ça. Et bon, on va faire ça après la pub. Bougez pas dans un instant. On revient avec Kenza et son album, c'est charismatique. Il sera dans les bacs lundi. Kenza Farah a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Bienvenue si vous arrivez à l'instant, c'est Planet Rap avec Kenza Farah et l'album charismatique. Yeah. Que l'on découvre entre 20 et 21 ce soir encore jusqu'à 21h sur un petit peu avant 21h avant de trouver la radio libre de Difool. C'est ça. On met un morceau de l'équipe KMKJ. Ouais, KMKJ, ben je leur avais promis, ils sont pas là, ils sont des retardataires, mais on va mettre un titre. Le mec d'Olnessou. Ouais, Olnessou, bon, on va mettre un titre à eux qui s'appelle Tour Eiffel. Ouais. Tour Eiffel, c'est ça? Tour Eiffel, ouais. Morceau Tour Eiffel. Ouais. C'est quoi le projet? Tu sais quand il sort? Ça arrive bientôt. Ils ont plein de titres et peut-être que ils ont clippé plusieurs sons. Et vu qu'ils sont pas mal, c'est un collectif, ils sont pleins, donc c'est difficile de les avoir tous en même temps au même moment. Vous êtes nombreux dans KMKJ, hein? On est nombreux effectivement. Ouais. Il y en a qui sont sérieux, il y en a qui sont pas sérieux. Ah bah toi t'es super sérieux. Ah, comme j'ai dit, quand il s'agit de musique, on est toujours là. Mais... Ouais, donc voilà, on va passer le titre Tour Eiffel. Et puis voilà. Et le projet, on sait quand il sort à peu près, quoi? Décembre. Ouais. Décembre 2014. Exactement. Yes. Et bah le morceau Tour Eiffel, maintenant, on le découvre parti. Juste avant. Petite question pour repartir avec l'album dédicacé de Kenza. Question simple. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, je parle pas de lundi. À l'heure d'aujourd'hui, combien d'albums a sorti Kenza? Oh. Simple. Yep. Super simple. Allez-y. 41759 avec le hashtag Kenza Farah sur Skyrock. Vous balancez, vous repartez avec l'album dédicacé de Kenza. Et la voici maintenant, KMKJ, avec Tour Eiffel. Yeah. Micro ne fait pas cesse. Ils veulent la cesse et ils ont les pesos. Alors on charbonne sans cesse avec mes vatos locos. On a connu la hesse, alors on découpe le matos. Ils viennent pécho dans ma tête, c'est eux qu'on appelle bolos. D'où je sors, je la vois autrement, la tour Eiffel. Elle rejette ses picots et c'est qu'on la couleur est belle. Arrête de croire que dans tout Paris la vie est belle. A-t-il la faute si vos filles aiment notre esprit rebelle? J'ai mal au cœur comme ma grand-mère doit grimper 6 étages. Fais-nous bien plus mon poteau, s'il y a les cœurs on détale. On a des problèmes en gros, ils suicident pas des détails. On veut même l'attendre en gros, mais pour ça fume pour la noyer. On délire nos vies sur les ondes FM. Paris n'est pas si beau de là où j'habite. Faut que la tour est faite. Et tous les jours dans nos rues, nos frères s'allument, guerre éternelle. Région ou parisienne, la vie n'est pas la même, de Aulnay au 16e. Région parisienne, aulnaysienne, crash mes rimes par césarienne. Teste ma clique, ça sert à rien. Aulnay sous, c'est pas le 16e. Pendant que tu roules sur les champs, nous on se bute à la tête. C'est le son qui te casse tes bugeons. Zirek qui te frappe à la tête, speed comme une balle dans la tête. Bélisé, c'est ce vide. La tease, les schmitts, le shit. Belle éclate, on se fit. Plus le temps de se faire la zébie. Le pétron passe, c'est salam. Pour une histoire de Nesby, direct, les frères, ils saluent. Toujours dans l'obscurité, armés comme des talibans. Tant que les médias mentiront, ce sera la haise comme au Liban. Dramatique et le bilan. Piste le taux de criminalité. Si les Yankees reviennent, c'est qu'ils doutent pas. Ta cagade est démon. On délire nos vies sur les ondes FM. Paris n'est pas si beau, de là où j'habite. Faut plein pour Eiffel. Et tous les jours dans nos rues, nos frères s'allument, guerre éternelle. région parisienne, ma vie n'est pas la même. Et on est au 16ème. Et gros, on est, c'est pas le 16. Si peu de bif en date 16, on t'agresse pour ton phone ou pour ta game. Game Boy Advance. Pas de pièce, allons du showbiz, des strass et paillettes. Inverse, si tu brises, toi t'as du cash, t'es pas net. Pour ton sortir, je te souhaite du courage, grimpe la falaise. Pour toi, j'aime ouvrir tout rap pour prendre la manette. L'ambiance qui règne est ma scène. Marche blanc si ce n'est dans le zen. En cosmopolite, y'a des beurs, des ouanges, des gars saines. Y'a des pauvres, y'a des mères qui triment, des jeans, des paxels. C'est pas la SACM qui paye, c'est juste ton corps dans la scène. Et tu sais très bien. Connaissez pas le 16, Big Rab la mort. Oui, tu connais la scène. J'suis pas à Honnay, j'suis à Panama avec un crachu. Roule sur l'or, j'ai l'impression de pas être en France. C'est pas grave, j'kiffe quand leur fille m'accoste. Non, tu chies quand j'dis que j'suis dans le nord. I'm so high, c'est no lie. J'méfie de moi, car pas le même langage. Pas de money, moi, chez nous, que tes tours. Gangs, money, gangs, crime, dope dans mon hood. Welcome in Paris, poteau, bah non, c'est pas ce que tu crois. Les factices, faut que la factrice, les factures s'entassent, nos mères, c'est noir. Viens de voir ce que je vois. Y'a la rue devant moi, les tout retour. Mais bien loin du trocadéro, les gars. Match pas à la télé de nos jours. Les médiamants, ça se fait gros, c'est salement. Et c'est bien loin du parlement. Dans l'illicite, car pas patient. Dans nos banlieues, pas trop de temps. Parqué en HLM, on trouve d'autres moyens de faire vivre. Sous les ondes FM. Paris n'est pas si bon. Faut qu'à tout réveille. Et tous les jours dans nos rues, nos frères s'allument, terre éternelle. On est au 16ème. À l'instant, KMKJ. Donc ouais. Un projet qui sortira en décembre. Ouais, voilà, c'est un petit extrait juste pour voir un petit peu l'étendue. Ils sont nombreux, donc il y a plein de styles différents. Il y a vraiment des kickers, d'autres qui sont plus mélodieux. Ah, je crois qu'il y a une autre partie de l'équipe qui arrive. Voilà, les retardataires. Ah là, bravo les gars. Hein. Ils sont là, les retardataires. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était compliqué pour arriver dans le Nessou ou pas? Ah oui, c'était le bordel après. Ouais, je pense qu'il y avait des bouchons. Ça va bien, messieurs? Ouais, ça va tranquille. Hein. Ça va tranquille. Eh ben, bienvenue à vous tous. Calme, on est là. On vient de passer le morceau Tour Eiffel. Ouais, là, on a écouté sur le trajet. Ah bah, c'est pour ça que vous étiez en retard. Vous avez... Ouais, voilà, c'est les potions et tout là. On a été en train d'écouter Marseille. Ah, yeah. Ouais. Et puis, il y aura un autre titre aussi qu'on passera de KMKJ dans un instant. Voilà, maintenant qu'ils sont sortis dans le Nessou. Exactement. Très bien, bon, tout va bien? Ça va, tranquille. En forme? En forme, toujours. Très bien, ben on va faire connaissance avec vous dans un instant. Juste avant, je vous présente, c'est Shaina par téléphone de Marseille qui nous appelle. Yeah. Ouais. Shaina, comment ça va? Ça va et vous? Bah ouais, je te présente Kenza. Coucou. Enchantée. Ça va? Et toi, cool? Ouais, ça va, tranquille. T'es où à Marseille, toi, Shaina? Je suis à Saint-Charles, au centre-ville. Saint-Charles. Centre-ville. Ok, et ben on va t'écouter. Tu chantes a cappella, c'est ça, Shaina? Ouais, a cappella, je préfère. Eh ben, on t'écoute. Shaina, ça va? Je te sens un peu tendu. Tu veux un petit massage, un petit truc? Non? Tu veux souffler? non, ça va. Voilà, souffle un bon coup. Souffle un bon coup et on y va maintenant en live. Tu as une 30 à cappella, c'est parti. C'est parti. Je me souviens, déjà petite, ne pensais que musique. Tu te souviens de la première vidéo que j'ai mise. Et ça part de là, une, deux, trois vidéos. Je commence à faire un, deux, trois rigolos qui critiquent, mais je m'en tape. Certaines personnes me remarquent, soi-disant je me démarre. On me cherche, un qu'on me teste, trop de promesses qu'ils délaissent. Un nombre rempli d'illusions et de mensonges. Je cherche à le baisement, des chantages, y'en a pas pour moi. Vos paroles, maintenant, je sais ce qu'elles valent. Je continue. J'ignorerai de chanter dans ma chambre. C'est ce qu'on me donne que cette chance. J'aime pas qu'on me teste. On a compris la grossesse. Pourquoi t'écris de gros textes? Beaucoup de vues, mais ce n'est qu'éphémère. Je ne me servis que par soi-même, que par ses mains. Si je réussis, ce sera pas moi-même. Je ne vis que de promesses et de paroles en l'air. Je crois plus, j'en donne, je fais l'air. N'écoute plus ceux qui me disent. J'ai avec moi, tu perds. Laissez-moi, je chante pour ceux qui me suivent. Et je m'en fous si je ne signe. Et pas que je n'étais pas faite pour briller. Que les strass et les paillettes allaient tout changer. Ouais, le monde n'est pas à vendre. Désolée. Yeah. Je fais ce que bon me semble sans me retourner. Kenza part à China, mes baraques sur Sky. Un acceptant charismatique dans les bacs. Yeah. Bravo. Bien. Lourd. Bravo, ma belle. Bah écoute, peut-être le même parcours. Hein. Attends, ouais. T'avais 19 ans quand t'as quitté Marseille, toi, à peu près, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Voilà, pour venir faire carrière. C'est ça. Shaina, toi, tu chantes un peu justement dans les, ce qu'on appelle les guinguettes hein, à Marseille. Hein. Ouais, les fêtes de quartier. Les fêtes de quartier. Sais, Ouais, c'est ça. Tu chantes un petit peu déjà aussi? Ouais, aussi. Bah écoute, bon, beaucoup de courage, on peut te suivre où sur le net, Shaina? Sur mon Facebook, Shaina Mebarak. Et voilà, je fais un gros big up à ma sœur Charlie Mebarak qui est fan de Konza. Et... merci beaucoup, voilà. Et bon courage à toi, lâche pas. Merci. Gros merci bisous, beaucoup. À bientôt. Ciao, on te fait un bisou. Bisous, bye. Salut Shaina de Marseille, à l'instant, l'équipe KMKJ qui est là ce soir. Yes, KMKJ. Bon, on fait les présentations, alors qui commence? Allez, c'est parti, on fait le tour de table. Donc moi c'est Seria, donc je viens d'Aulnay-sous-Bois du quartier Jupiter. Donc là on est revenu représenter le quartier et puis KMKJ et l'album Akenza. Yeah. Voilà, là c'est Nas, on a deux S, donc on est là, ça sort d'Aulnay ma gueule. Je suis venu faire du lourd, on est venu soutenir, on est là pour ça, de toute façon, calme. Yeah. Et moi c'est Wallaz, jeune rappeur, j'ai 20 piges, issu du groupe KMKJ, voilà, on fait nos bails tranquille. Bon, donc on a appris sur le mois de décembre à la sortie pour vous. Voilà. C'est normalement, ça, exactement. Décembre, on a fait des sons avec plusieurs producteurs aussi, comme Irai, Jazzy Fizz aussi, SDJAE. Et voilà quoi, et ça arrive calmement. Il y a des sons lourds coffrés, il y a des clips coffrés. Franchement, ils ont bien travaillé. J'espère vraiment que ça va péter parce qu'ils méritent. Ils ont tous quelque chose. Franchement, ils ont tous des styles tellement différents. Et je pense que c'est ce qui va faire leur vraie richesse. Quoi. Bon, dans un instant, on fera un live avec toi. On mettra un morceau de KMKJ. Exactement, on va mettre un titre de KMKJ. Et juste avant, j'aimerais bien repasser Mi Amor. On me l'a pas mal demandé Je vois les messages qui arrivent. Ouais. Donc, on va vous faire plaisir. On va vous passer Mi Amor. Mis à mort maintenant, produit c'est extrait par Monsieur Red One de l'album de Kenza. Et puis juste après, on mettra un son site KMKJ avec nous avant de passer au live. Mélissa, Carla, Julia, Anthony, gros bisous à vous. Gros bisous à ma poupée chérie Falouna qui nous écoute. Alain Sanmiamont. La chorégraphie est prête pour le clip, hein, ça y est, c'est prêt. Ouais, là, j'ai une choré au top. Il y a un début, il y a des danseuses, il y a tout ce qu'il faut, là. Ceux qui ont vu les images sur l'appli Skyrock ou alors sur skyrock.fm, allez-y, hein. Yeah. Vous pouvez témoigner et envoyer des messages avec le hashtag Kenza Farah sur Skyrock. On va mettre le son de KMKJ. Ouais, on va mettre le titre de Même encore KMKJ. Mieux, d'ailleurs, vous allez peut-être rapper dessus aussi, ouais, les gars, si vous êtes chaud. Ouais, carrément, ouais. Il faut que le micro fonctionne, voilà. Ouais, hop. C'est ça. Ah ouais. On va présenter. Sortie c'est les frérots, sortie ouais. d'Olnessou. Grosse dédicace à tout le 93. C'est parti? C'est parti. On est prêt, hein. Allez, on y va, KMKJ, ça sortira en décembre. Bang. Yeah. Yeah. Dédicace à DJ Rice pour la prochaine. T'as des fizous, ma gueule. On s'en fout. Yeah. La SB. Yeah. T'es grillé à des kilomètres comme des focus dans un focus. On essaie pas B2B, mais tu vois que t'es focus. Ça rêve de vie la gros, car moi j'ai salaire de footer. T'as vu ma vie là, c'est la S, quand ça mire est douteux. Qu'un vol derrière la maille. Wesh Khalil, c'est pas nouveau, tu le sais. Et on finira par trouver la faille. La gloire, on va pas la laisser. Hey. Observe la haine sur nos visages, ça sent la merde. Maîtrise salement le mic sorti d'Olney, ça sort de la haine. Son nos vies encaisse le mal dans un sachet. C'est trash, on casse la mâche, on retrace la route, t'as pas dans le plancher. Tu sens l'effet d'une rafale sale comme un drive-by. On veut de la monnaie pour de la monnaie, clic, boum et bye-bye. Laissez-nous passer, y'en a assez. Wesh Falmore, wesh Joe. Dernière mesure sale, j'ai plus de balle, m'en m'a traché. Bang, Kesta, tu racontes à Yves. Elle donne tout à sortie d'Olney. Wesh Elle Cache ma team, chez nous les aventures et trop de mer. Qu'est-ce que tu racontes à Yves? On est tout droit sorti d'Olney. KM, cache ma team, pour manquer d'imagine pas ce qu'on ose faire. Fini putain de blabla, j'ai dans le sac ou dans le paquet. Tu donnes les sous, t'as la frouge, j'entends tes dents claquer. Hey, hey, t'es pas prêt, poto, sans blaguer. J'aime tout péter, ça marche pas, te plomber, c'est le plan. Connais-tu ma ville a tout fait notre musique. Yeah. C'est dans la gorge qu'on vise, tu piges, va faire tes vocalises. Yeah. T'as les balles qui sifflent, mon fils, ouais, sérieux, fille, ça va vite. Violence, talent, brime, la mystère, KM, KG. Je vais à 240, j'découpe, j'pêche, fais le puce, Boston. Je crois pas que j'te m'étonne, Olney, c'est pas Boston. Non, non, Baltimore, j'bétonne. Faut faire passer des tonnes. Avoue que je t'étonne normal, j't'arrache des tétons. J'étais LR béton. Nique sa mère, c'est ghetto. Garde la pêche, faut faire les ronds avant le retour du béton. Retour de fuego. Baby, hasta luego. C'est la Havane au mic, chapeau de Price, plus de Zepico. Qu'est-ce que tu racontes à Yves? On est tout droit sorti d'Olney. KMK, j'ai ma team. Chez nous, les aventures et trop de mer. Qu'est-ce que tu racontes à Yves? On est tout droit sorti d'Olney, hey. KMK, j'imagine. Pour banquer, t'imagines pas ce qu'on ose faire. Faire sorti d'Olney, on t'allume à Zolay. Ce qu'il y a dans ma tête, tu connais. Les bitches et la monnaie, ma femme sur tes volets. Fumé ici, tu voulais. Dans ma ville, tu roulais. On taille gris comme un poulet. J'ai la rythme au débit. J'ai le même avis des débits. On peut souffler des valises. Jamais sans caler. Olney Alice, fais la pute ou va la cathédrale. La cathédrale. Tu m'en veux, fais un vœu quand y'a quatre étoiles. Quatre étoiles. T'es ouvert de l'esprit, sois pas fermé de la chatte. Je vois tes mecs mouvementer leur bouche, des pros de la tchatch. Je me présente pas dans le rap, pas dans l'apprenti. Quand tu confirmes bien l'existence des abrutis. Ils veulent que je te demande pardon, répare tous les dommages. Vas-y, vomis ta pomme d'attente, j'y ai ton estomac. J'ai de la rue, ouais. Loin de Paris et toutes ces ruelles. Ici c'est cruel. Ça vend de la coke, une vie cruelle. Qui aurait cru, ouais. Nos vatos locaux finiront écroués. Ma mère en a assez que je rentre le lendemain sans la serre. Paul qui mort, c'est nous bicrave, tu te chies à la serre. J'ai rien noyé dans la scène. En France, attitude malsaine. Je sais pas si t'as capté la scène, on s'en fout que t'es mal, faut que tu saignes. Qu'est-ce que tu racontes à Yves? On est tout droit sorti d'Olney. Cache ma team, chez nous les aventures et trop de mer. Cache ça, tu racontes à Yves. On est tout droit sorti d'Olney. Yeah. Cache ma team, pour banquer tu imagines pas ce qu'on ose faire. Yeah. Cache ma team. Yeah, yeah. Les sous. Bang. Wesh Kaiser en décembre. Wesh Como. Wesh Chad. Bang. Les shows l'album de Kenza. Non, reste là. Attends. pris ma place, reste là, Kenza. Mais maintenant, ta place. Mais maintenant, tu te démerdes. Ah non, il y a trop de boutons. Moi, je vais jouer à la Kenza. Il y a trop de boutons. Excuse-moi. Comment ça se trouve ces conneries? L'autre côté, faut juste tirer. Bon, voilà. Tiens, je rends le matos. Tiens, tu peux te mettre du rouge à lèvres. Non, non, ça va, je vais attendre à 21h. C'était sorti de KMKJ, très lourd. Vas-y, le projet, il arrive en décembre. C'est toi qui gères. Et voilà, c'est un truc de fou, c'est très très lourd. Franchement, ils rigolent même pas. Je vous dis la vérité, ils sont vénères. Et ça va être chaud. C'est ça. C'est prévu pour décembre et. Ah non, tu te démerdes. Kenza, maintenant, il faut que tu annonces que tu vas faire toi-même ton live d'ailleurs. Dans quelques instants ? Non, tout de suite là. Ah, dans quelques instants. Tu préfères cette place pour faire le live ? Ouais, je préfère. Je vais changer de place pour le live. Allez, comme ça, moi j'ai le temps de rappeler qu'on va faire tourner la roulette dans un instant. 41-759 pour les inscriptions. Et là, c'est l'heure du live maintenant dans Planète Rap. Tiens, allez, vas-y, Kenza. Allez, c'est parti. C'est reparti, j'ai récupéré ma place. On va rester un petit peu en mode rap et après. Par quoi tu veux commencer comme morceau? MDF. MDF? Ouais. C'est la première fois que je la fais, j'ai un peu peur, mais bon. Bah écoute. Ok. On verra, hein. Ça va dans les studios ou quoi? Ouais. Ok. On y va? Yep. Allez, session live avec Kenza pour cette dernière dans Planète Rap. Ok. 1, 2, tu reconnais Marseille, non, tu ne suis pas à mon coup d'essai. Kenza, je vais tous les blesser. Rap, street, R&B pur, c'est le cinquième album, je me pose à Zelay. Charismatique, je sais que tu connais. Toujours sur les ondes sans retourner ma veste, mais dites-moi qui peut tester. J'ai pris du recul, pris de l'âge, c'est normal que l'on reste. Ma priorité, c'est la famille. Non, cherche pas de nouveaux amis. Tu me connais, je sais plus t'es qui. Peut-être qu'un jour, c'est VV qui. Quoi qu'ils disent, on a du vécu, nos blessés par balles n'auront jamais de sécu. Militant depuis le début, ce texte ne verra jamais le jour comme du PQ. La vérité, c'est qu'il n'y en aura jamais, surtout si tu regardes la télé. Les frères sont drogués, les sœurs deviennent des tasses, mais dites-moi, c'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? Je crois que je me pose trop de questions. Je vais finir en camisole. Y'a quelque chose qui tourne pas rond. Je deviens paro, faut que je m'isole. C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? C'est quoi ce monde de fêlé? Fêlé. C'est quoi ce monde de fêlé? Ok? Chez Swarovski. Sur notre art, c'est normal que l'on brille. Notre-Dame, bienvenue dans les rues de ma ville. Ça paye peut-être pas de mine, mais t'as creusé, t'as trouvé de l'or. Aussi convoité qu'un diamant, aussi précieux qu'un trésor. Précieux comme un pink star. Le pire entre rêves et peines, ils veulent. pink star. Précieux comme un pink star. Précieux comme un pink star. Précieux comme un pink star. Précieux comme un pink star. Précieux comme un pink star. Yeah. Merci. À l'instant. Et quel choral derrière. Ouais, merci beaucoup. Ils sont au top. Pink Star. Merci. Alors pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine, je rappelle que c'est un diamant CD. C'est Abdel qui nous a appris ça d'ailleurs. Ouais, ouais. Abdel, exactement. Je sais pas pourquoi il a hier sur le journal des joailliers. Ouais. C'est ça. C'est le diamant le plus cher au monde. C'est voilà. des joyaux les plus petits, les plus chers et les plus précieux au un monde. Un Pink Star. Un Pink Star. Le nom de ce morceau qu'on écoutait en live à l'instant. Exactement. Et que vous retrouverez lundi dans les bacs à découvrir entre 20 et 21 cette semaine. Kenza Farah, l'album Charismatique. C'est le cinquième album. Est-ce qu'on finirait pas avec, je sais pas, est-ce qu'on remettrait pas Ilé pour finir? Ilé, pourquoi pas, allez. Comme le clip va arriver, c'est imminent. Le clip arrive cette semaine et il est déjà sur iTunes en précommande avec l'album. Et on va mettre Ilé. Allez, on finit avec Ilé maintenant, on se dit au revoir juste après et on fera aussi tourner la roulette avant de retrouver la radio libre de Diffoul. Merci beaucoup, merci à tous. Faites du bruit pour vous, la famille. Shafia, Louisa, les copines, mes sœurs, Kaina, Swan, Siba, Abbas, Faiswal, Diena, Kassim, Idriss, mon bébé, je t'aime, tata. Il est à l'instant. Yeah. Et ça promet pour le Zénith de Paris, là. Là, je te jure que je fais le plongeon. Vous y serez, tout le monde je là au Zénith. Je fais le plongeon. Lundi dans les bacs, lundi dans les bacs, lundi dans les bacs. Je fait le plein de gens, c'est sûr. Arrêtez. Lundi dans les bacs et en précommandez maintenant. Est-ce que vous serez au Zénith? Oui. C'est le 25. Est-ce que vous voulez les toutes premières places là? Aïe. Direction la FNAC en sortant, c'est première à droite et ensuite première à gauche pour récupérer les places. Non, ça va être un très très très gros concert, la billetterie elle est ouverte. Ouais, ça y est. Le 25 janvier, gros Zénith de Paris, 5 albums, donc voilà, il y a de quoi faire, ça serait un gros show. Il y aura évidemment KMKG avec nous, il y aura Kylie, il y aura Nabila, ils seront là pour soutenir. Et autant vous dire que Kenza a préparé déjà le plongeon en avant, donc là, elle a commencé à s'entraîner. Voilà, ça va être chaud de donc fou. Autant vous dire que ça va être chaud au Zénith. 25 janvier, à pas louper, on fait tourner la roulette. Yeah. Gros dédicace à Ada. Qui a envie de jouer? Skyrock t'offre Sin City, j'ai tué pour elle, au ciné, plus ta nouvelle tablette tactile. Salut Coralie des Mureaux, ça va bien Coralie? Oui, ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme pour conclure cette semaine, c'est toi qui viens faire tourner la roulette Coralie. Ah, c'est trop bien. Bonjour Kenza. Coucou. Ça va, tu aimes bien Kenza Coralie? Ah oui, oui, le défi surtout vivement lundi pour merci, avoir l'album, c'est ça va être trop bien. Merci beaucoup. Et vivement maintenant aussi pour faire tourner la roulette Coralie. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Cette fois, ils sont allés trop loin. Voilà. Coralie? Oui? Non seulement il y a 4 places de ciné pour toi pour aller voir Sin City, j'ai tout pour elle, mais il y a aussi... La tablette. La tablette qui va avec, c'est oh, la tablette pour bien commencer le week-end, c'est pour toi, tablette Samsung Galaxy. Elle ah, est pour merci toi. Skyrock, merci Kenza, c'est grâce à toi. Avec plaisir, gros bisous. Bisous. Voilà, il va falloir que tu ailles récupérer l'album dès lundi dans les bacs, hein, Coralie, t'as pas le choix. Ouais, pas le choix là. L'album lundi dans les bacs, il est dispo dès à présent sur iTunes, Coralie. Bon, on compte sur toi. Merci Coralie, bisous. Et merci à toi Kenza pour cette jolie merci. Semaine. Je fais un gros bisou à mes parents. Vas-y, de toute façon, on va faire le tour de table, même avec Kaji pour les dédicaces. Je fais un gros bisou à ma petite, je fais un bisou à Takia. Fais du bruit déjà. C'était franchement une très belle semaine. Attendez deux minutes. Après, on fait l'ambiance. Ouais. On fait l'ambiance. On fait l'ambiance. Gardez c'était l'ambiance. C'était une très belle semaine. Je remercie tous ceux qui ont travaillé sur cet album. Grosse dédicace à Abdel, à toute mon équipe, à tous les compositeurs, à ma maison de disque aussi qui me soutiennent et me donnent les moyens de faire de belles choses. Un gros merci à toutes les personnes qui sont passées, à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent. Et voilà, l'album, il est disponible lundi. Il est en précommande. Je compte sur vous. Et voilà, l'histoire, elle continue. Et voilà, je vais pas lâcher. Je vais vous donner on du bon son. Et voilà, on va faire un petit c'est tour de table avec KMKJ. Ouais, donc moi je lance une putain de dédicace à EDL Prod, Rami Projet, toute mon équipe de l'impasse, Joe, Spinks, Falmore, Alius Guy, mon petit refrain Serious Guy et toute l'équipe quoi. KMKJ, ça arrive bientôt en décembre. Tiens, dédicace à toute l'équipe, à ceux qui n'ont pas pu venir. Il y en a d'autres encore. Elton et ma gueule. Il y a toute l'équipe qui n'a pas pu venir. Dédicace à tout le monde, gros. Komozer, Kaiser, Chat, tout le monde. Tout et on découvrira en décembre. En décembre, ça va arriver. Exactement, en décembre. Voilà, c'est l'équation là. Allez, on finit sur l'ambiance. On en était à Pomporum. Dédicace à l'équipe charismatique. À tout le monde, Abdel, Samir et tout, on le calme. Et voilà, à toute l'équipe qui est là. Ouais, voilà merci quoi, à tous. Calme. Merci à Sky, merci à allez, Fred. Je te laisse déclencher l'ambiance. Et là, ça va être la folie. Est-ce que vous êtes là? Merci à tous. Charismatique lundi dans les bacs. Yo merci Kenza. Et là, il est grand temps de retrouver Abdel. Non, l'équipe de Diffoul, tout de suite. Gigoté. Et oui, Fredo, on est là. Eh ouais. Merci Kenza, merci Fredo pour cette belle semaine de Planète Rap. Ouais. Super, Marie, on a déjà un petit peu de, de nostalgie. J'ai trop triste. Un peu de tristesse. Mais la soirée sera bonne. C'est parti pour, attention, une grande soirée spéciale ce soir avec le grand concours des imitateurs. Ouais. On a assisté à un truc exceptionnel. Entre autres, hein. Oui. Avec aussi ce soir, on l'avait promis, on l'avait dit qu'on fera un petit zapping sur les interviews des artistes qui sont venus nous rendre visite. Il y en a un paquet. Hein. Ouais. Bon, on les aura pas tous, mais on se fera un zapping avec les meilleurs punchlines de La Crime. On en reparle dans un instant. Il y aura Nico Batum. Il y aura Soprano aussi tout à l'heure. La Crime. La Fouine. Ouais. La Fouine. Bon, c'est ça. On y revient tout de suite là sur Skyrock. On vous dit tout. Radio Libre, c'est parti. N'oubliez pas le clash. Et c'est parti avec Nico et Vince. Et Am I Wrong?